On va maintenant, je vais vous donner également un aperçu de ce qu'on va entendre ce soir. Il va y avoir du cymbals et de guitars, du Gwen Wedd et également le projet solo d'un ancien membre de Kill the Lights. Maintenant, on se tourne du côté de la Norvège avec des Megaphonic Drift qui ont lancé l'hiver dernier un premier album appelé Dicky Decoy. Voici Nurse, le nez de The Megaphonic Drift. avoir le moins de corps possible, grêle, fragile, translucide. Je suis en mal d'amour, comme les anges au visage pâle, aux petites mains blanches, en laisse le poids de chien ou d'un des Un homme libre avec Swing Away. Juste avant, un autre groupe local, Romeo avec Lose Your Head, qui se retrouve sur leur premier EP sorti en 2009. Romeo, seront du spectacle organisé pour le deuxième anniversaire de l'étiquette Machete Records en compagnie de Solids et de Class, le side project de We Are Wolves. Et ça aura lieu le 19 août à la Sala Rossa. Sinon, sur Romeo, je pourrais peut-être ajouter que le groupe est formé, entre autres, d'anciens membres de Fifth Tower Hero, dont Geneviève la chanteuse et Olivier. En entrevue, le groupe indique également qu'il est en train de travailler sur un premier album complet qui pourrait peut-être même sortir cette année. Alors, voilà pour Romeo. On poursuit avec le projet solo d'Alexander Hackett, un ancien membre de Kill the Lights. Le premier EP de Pang Attack a été lancé la semaine dernière et ça promet quand même. Voici Sea of Fire de Pang Attack à l'émission Le Terminus sur CISM 89.3. Sur les ondes de CISM 89.3, c'était Mille Monarques avec Engin de mort. C'était précédé de Ferja, un jeune groupe islandais fondé en 2010 qui me fait un peu penser à Radiohead et qui a lancé un premier album en mai dernier qui s'appelle A Sunny Colonnade. Je le disais, le groupe est d'Islande, loin des quartiers cependant branchés de la capitale Reykjavik, si ça peut exister, des quartiers branchés à Reykjavik, mais plutôt originaire d'un petit village côtier de seulement 2000 habitants qui vit de la pêche et du tourisme. Le nom du groupe Ferja veut dire d'ailleurs traversier en islandais, alors tout est dans tout, comme on dit. Maintenant, vous connaissez Philippe B, un habitué du palmarès de CISM, mais avant de jouer en solo, M. B avait un groupe qui s'appelle Gwenwed, dont le premier album remonte à 2004. À l'émission Le Terminus, voici Volume de Gwenwed. J'ai rien entendu. J'ai saigné des oreilles. The Ambience Affair avec Vacant Hearts de leur album Fragile Things, sorti en 2009. Si vous aimez, ils vont nous offrir un nouvel album en octobre prochain. Il y a également un premier extrait de ce futur album, Weeds, qui circule sur les internets depuis quelques mois déjà. On a aussi entendu dans le dernier segment un album qui se retrouve cette semaine en 18e position du palmarès album de CISM, l'album New Heaven de 123. C'était la chanson qui ouvre l'album, Work. Poursuivons maintenant avec un deuxième extrait, ou plutôt un extrait du deuxième album des New-Yorkais Cymbals Heat Guitars qui va sortir le 30 août prochain sur Barsuk Records. L'album s'appellera Lance's Alien. Voici la chanson Definite Darkness de Cymbals Heat Guitars sur CISM 89.3. savez déjà. Autant se faire vider la tête par une épidémie de verre. Cette édition de l'émission Le Terminus est presque terminée, mais dans le dernier segment, je vais quand même vous dire ce qu'on a entendu. Il y avait Le Havre avec Translucide qui se retrouve sur le EP Lulu Birine lancé l'hiver passé. Et juste après, on vient d'entendre, c'était El Motor avec Ali Nea. Apparence qu'on pourra entendre un nouvel album d'El Motor prochainement, puisqu'en juin dernier, le groupe a joué sur scène l'intégrale de cet album. La date de sortie n'est pas encore connue, mais espérons que ce soit pour bientôt, puisque le premier album, qui remonte déjà à 2007, était quand même pas mal intéressant. Sinon, si vous voulez vous retrouver dans ce qui a joué ce soir, passez par le CISM893.ca pour la liste complète des chansons diffusées. Vous allez également y retrouver la balado-diffusion à télécharger. Étienne Champagne suit après les pubs